Le comité préparatoire du côté nord pour promouvoir avec succès le grand rassemblement de toute la nation pour la réunification est constitué le 27 courant à Pyongyang, conformément au désir patriotique sublime de la réunification et à l'intention unanime de tous les compatriotes. Mandaté par le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, un vice-président du Comité Central du Parti du Travail de Corée est nommé président du Comité Préparatoire du Côté Nord et des cadres responsables du gouvernement de la République, des partis politiques et des formations, vice-président et membres. Le comité préparatoire du côté nord a décidé de prendre des mesures pratiques à l'avenir pour réaliser le grand meeting national de la réunification en liaison étroite avec les autorités, les partis politiques et les formations de la Corée du Sud et de l'étranger, ainsi que les personnalités de renom. Le bulletin d'information sur les activités du comité préparatoire du côté nord sera édité.